طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جماعة: فصل. المراد بالعلماء هم العاملون. دونك لا الإمام ابن جماعة il a titré en guise de titre de chapitre le but visé dans le mot, c'est-à-dire lorsque l'on parle des savants, c'est-à-dire ceux qui œuvrent avec leur science. قال واعلم ان جميع ما ذكرنا من فضيله العلم والعلماء انما هو في حق العلماء العاملين الابرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم. Donc sache que tout ce qu'on a évoqué auparavant comme mérite de la science et des savants ne concerne que les savants qui œuvrent avec leur science, ces gens qui sont ces personnes pieuses et qui n'ont comme but que la face, que le noble visage d'Allah Azza wa Jal. Wa zulfa ladayh fi jannati an-na'im, et le fait de se rapprocher de lui dans les plus hauts ou dans les jardins du bonheur. La man talabahu bi su'i niyyah aw khubthi tawiyah aw li aghradi ad-dunyawiyah. Mais ce n'est pas le but visé de nos paroles, celui qui recherche la science avec une mauvaise intention ou pour un quelconque but concernant cette dunya. Man min jah ou mal ou mukathara, yani un quelconque yani il a un quelconque but autre que la face d'Allah, que ça soit un but concernant un quelconque prestige ou concernant de l'argent, c'est-à-dire lui il apprend pour qu'on lui donne de l'argent après ou pour avoir un quelconque prestige, ou mukathalatan fil atba' ou pour avoir beaucoup de suiveurs, wattullab, et beaucoup de tullab. Na'am, fa hadha madhmum. Le fait de rechercher la science pour ce genre de choses, hadha, c'est vraiment blâmable. Na'am. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء او يكاثر به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله النار. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui recherche la science pour pouvoir faire des divergences avec les idiots ou pour pouvoir s'enorgueillir devant les savants, ou pour tourner le visage des gens vers lui, ou le regard des gens vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer en enfer. Akhrajahu al-Tirmidhi. Wa anhu sallallahu alayhi wa sallam man ta'allama ilman li ghayri Allah aw arada bihi ghayra wajha Allah la yatabawwa'u maq'adahu min an-nar. Donc celui qui recherche une science pour autre qu'Allah ou pour autre que la face d'Allah, qu'il prépare sa place dans le feu de l'enfer. Rawahu Tirmidhi. Et ces deux hadiths, le premier qu'on a cité, celui de Tirmidhi, da'if. Wa al-thani hasanun li ghayrih. Man ta'allama ilman li ghayrillah aw arada bihi ghayra wajhillah falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. هذا رواه الترمذي وهو حديث حسن لغيره. وروي من تعلم علما ممن يبتغي به وجه الله مما يبتغى به وجه الله. نعم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Donc celui, et encore un autre hadith, أخرجه أبو داود, et c'est un hadith aussi Hassan, qui dit que celui qui recherche une science, parmi la science, parmi ce qui convient, que l'on recherche pour la face d'Allah Azza wa Jal, celui-là, ne l'apprenant pas, c'est-à-dire n'apprenant pas cette science, que pour avoir un quelconque bien de cette dunya, ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وذكر الثلاثة وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته فقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، قرأت وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. وهذا حديث عظيم جدا. Donc c'est le hadith de trois personnes. Le prophète sallam dit que il y a des gens, les premiers qui vont être jugés yom al qiyamah sont trois personnes. Et parmi ces trois personnes, une personne qui aura appris le Coran et qui aura appris la science et qui l'aura enseigné. Il aura enseigné la science qu'il aura lui-même appris. Et il aura maintenant enseigné le Coran qu'il a lui-même appris. Mais il n'a pas fait tout ça sincèrement. Donc quand on va lui demander yom al qiyamah, qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'on t'a donné comme science? Il va dire j'ai enseigné le Coran et j'ai enseigné la science. On va lui dire tu mens. Tu n'as fait cela que pour que on dise que tu es un récitateur, ou pour qu'on dise que tu es un savant. Faqat qil. Et ça a été dit. Naam. Thumma amara bihi fa suhiba ala wajhihi hatta alqa fi an-nar. Donc ensuite on l'a envoyé dans le feu de l'enfer. Akhrajahu Muslim wa an-Nasa'i wa al-Hammad baqiya atharain. Il reste plus que deux athars. An Hammad ibn Salama, man talab al-hadith li ghayri Allah ta'ala makara bih. Celui qui recherche, ça c'est un athar de Hammad ibn Salama, celui qui recherche la science pour autre qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va ruser avec lui. Naam. Hatta yanqati'. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de gens, ils ont pu être dans talab al-ilm, lakin ma wasalu ila maqbara, ila al-maqbara. بل انقطعوا وطلب العلم المفروض يكون من المحبرة إلى المقبرة. Donc طلب العلم normalement celui qui est dedans sincèrement il ne s'arrête pas. يعني طول عمره وهو في طلب العلم. طول عمره وهو في طلب العلم. فهنيا لمن وفقه أن يطلب العلم حتى دخل في قبره. وقليل ما هو. نعم. وعن بشر أوحى الله تعالى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيسدك بشك عن محبتي وأولئك قطاع الطريق على عبادي. Donc ça c'est le dernier athar dans cette bab qui dit que Allah a révélé au prophète Daoud et lui a dit ne laisse pas entre moi et toi un savant maftoun qui t'empêchera en causant en toi le doute de m'aimer. Naam. Car ceux-là, ces savants-là, là, ce sont des coupeurs de route pour mes serviteurs. Wa hadha kadhalik atharun ma hukmu. ضعيف منقطع. طيب فانتهينا من هذا الباب وإن شاء الله الدرس القادم سندخل في باب عظيم وهو في آداب العالم في نفسه ومراعاة طلابه أو طالبه ودرسه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.